AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AgroJ'écoute, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font avancer l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cet épisode avec Perrine. Bonjour. Et Yvan. Bonjour tout le monde. Nous sommes des étudiants de parcours devenir acteurs de la transition agroécologique en dernière année de l'école d'ingénieurs de Purpan. On s'intéressera à un sujet qui intrigue, l'agriculture en syntropie. La syntropie, c'est simplement cultiver comme la nature le ferait, pour que les plantes s'entraident et que le sol reste vivant. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce terme, et pourtant, il représente un des futurs de l'agriculture. Alors pour permettre à nos auditeurs de comprendre un peu mieux ce que peut être la syntropie, je vais faire une petite comparaison avec l'agroforesterie qui est peut-être un peu plus connue. Donc l'agroforesterie, c'est un système qui intègre des arbres et des cultures agricoles sur une même parcelle, le tout pour favoriser la biodiversité, pour améliorer la structure des sols et pour régénérer les sols. La syntropie, elle, suit les principes de l'agriculture biologique. Elle imite les dynamiques naturelles des forêts pour produire les aliments. Elle favorise aussi la régénération des sols. Cependant, elle repose sur des principes d'entropie inversée. Pour expliquer un petit peu ce que c'est l'idée de remettre de l'ordre là où il y en avait perdu. Par exemple, si on prend un jardin, si on le laisse seul, il se désorganise, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Mais si on ajoute des plantes, si on taille, si on organise les strates, c'est-à-dire les différentes hauteurs des plantes, si on fait circuler la lumière, on génère plus de structure et de fertilité. C'est ce qu'on appelle l'entropie inversée. Renata, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la syntropie, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. En France, on est plutôt habitué aux champs dégagés où chaque plante pousse isolée. Ici, au contraire, tout est en interaction, comme un véritable écosystème vivant. Nous voilà dans la ferme des Mauagis, chez Grégoire Sevran. Ce qui nous frappe tout de suite, ce sont les différentes strates végétales, les textures, les couleurs, les formes. C'est exactement le principe de la syntropie, un concept développé par Ernst Gotsch, un agriculteur suisse installé au Brésil. Là-bas, il a observé comment les forêts tropicales fonctionnent. Tout est connecté, plantes, sol, lumière, et eau. Rien ne pousse seul en fait. Concrètement, on mélange des plantes qui poussent à des vitesses différentes, avec des besoins et des rôles complémentaires. Un bon exemple est le jardin créole, où les plantes alimentaires, médicinales et ligneuses cohabitent en strates, se soutiennent et se protègent mutuellement. Nous avons eu la chance de rencontrer Grégoire Sevran, l'agriculteur en syntropie à la ferme des Mauagis, dans le Gers. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, écoutons un extrait de sa présentation. Et ben moi, à l'origine, je suis ingénieur agronome, je fais mes études à Lyon, à l'ISARA. Et voilà, arrivé en quatrième année, j'en avais un peu marre. J'ai bouffé des stats du marketing et de l'agroalimentaire, j'avais pas du tout signé pour ça. Et du coup, j'ai trouvé un moyen de faire un double diplôme au Brésil. Franchement, c'était soit ça, soit j'arrêtais, je pense. Et du coup, je suis parti 2 ans faire un double diplôme à l'ESALC, qui est un très bon campus en agronomie, qui est la plus grosse université d'Amérique du Sud, je crois. J'ai pris des grosses claques. J'ai pris des grosses claques humaines, évidemment, et agronomiques, vraiment. C'est là-bas où je suis tombé amoureux de l'agroforesterie. Et que j'ai vraiment compris le rôle et l'importance primordiale des arbres dans les écosystèmes et qui devait avoir dans les systèmes productifs aussi, les agroécosystèmes. Je suis rentré en France, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Association française d'agroforesterie pour retomber sur mes pattes un peu en milieu tempéré sur ces notions d'agroforesterie. Et voilà, je suis resté 1 an et demi avec un petit service civique qui était très cool pour continuer à bosser sur ces sujets-là, notamment de vergers maraîchers, d'agroforesterie en maraîchage. Et en fait, très vite, à force de bosser avec des maraîchers, maraîchères, des agriculteurs, agricultrices, en gros, d'accompagner des porteurs de projets et de faire, tu vois, des projets de recherche, de développement, de transmission, je me suis dit, en fait, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, c'est d'être dans les champs et c'est d'être producteur. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de gens qui gravitent autour du monde de l'agronomie, qui essaient de faire changer les choses, mais à un moment donné, s'il n'y a personne dans les champs, il y a un problème, quoi. C'est juste ça, quoi. Et je me disais, là où je peux être le plus utile, j'ai l'impression, et là où je serai le plus heureux, c'est vraiment à la source, à la production, quoi. Parce que je pourrais laisser libre cours à toutes mes envies d'expérimentation d'agroforesterie et de créer des choses, d'essayer des choses. Et si ça marche ou ça marche pas, être source de retour d'expérience et dire bah voilà, nous on a fait ça, ça galère, là ça marche bien, et voilà, et faire avancer un peu le truc, quoi. Et ouais, du coup, moi j'adore la recherche aussi. Et du coup, quand t'es agriculteur, t'es au milieu de tout ça en fait. T'es à la fois dans la production, donc t'es chef d'entreprise, ça c'est quand même très stimulant intellectuellement. Tu fais de la recherche. parce que tous les jours c'est de la recherche en fait, c'est ça. Hein. Donc moi, et après, voilà, le fait que du lien avec l'école d'agronomie, bah, je suis en lien avec l'INRA, je suis en lien avec plein d'organismes d'animation, les CIVAM, les GAB et tout ça, et ça c'est hyper intéressant aussi au quotidien, quoi. Vous êtes toujours sur AgroJ'écoute, vous venez d'entendre Grégoire Sevran présenter son parcours. Alors avec mes camarades Renata et Yvan, nous sommes allés sur la ferme de Grégoire pour découvrir son système et le voir de nos propres yeux. Et on en a tiré une petite leçon, c'est-à-dire que selon la littérature aussi, il y aurait trois piliers qui soutiennent le système de Saint-Tropez. Alors je vais vous présenter le premier qui est la stratification, c'est-à-dire les différentes hauteurs de plantes sur la parcelle. Donc elles sont organisées en fonction de leurs besoins de lumière. Par exemple, sur la parcelle de Grégoire, on aperçoit ce qu'on appelle la strate émergente. Donc ça va être les arbres qui vont être les plus hauts, donc ça va être les peupliers, les eucalyptus. Juste en dessous, on a la strate haute. Ce sont plutôt des arbres fruitiers comme les pommiers ou alors on trouve aussi des érables. Encore en dessous, la strate moyenne, où il y aura plutôt des noisetiers, du saule, du prunier. Et enfin, la strate basse, où là, on trouve plutôt du cassis. Alors, la satisfaction d'une plante, ça signifie qu'elle doit recevoir le besoin en lumière nécessaire, l'espace et les nutriments dont elle a besoin pour s'exprimer pleinement, c'est-à-dire exprimer son potentiel sans compétition excessive. Exactement. Et maintenant, je vais vous parler du deuxième pilier, donc c'est la succession dans le temps des espèces. On a tout d'abord les premières espèces du système, c'est ce qu'on appelle les pionnières. Elles préparent le sol, elles font partie du cycle de production. Puis viennent après les secondaires et enfin les espèces du climax. Alors qu'est-ce que le climax ? C'est la phase la plus mature de l'écosystème. C'est là qu'on atteint un système de production optimal. Dans un système syntropique, cette section elle n'est pas du tout laissée au hasard, c'est l'agriculteur qui la gère, et il la gère au travers de plusieurs travaux, comme des plantations, des tailles, qu'on va voir plus tard, mais aussi le renouvellement pour maintenir ce système dynamique et productif pour l'agriculteur. Et enfin, le troisième pilier, c'est la densité. Toute cette biomasse qui nourrit le sol retient l'humidité et accélère la croissance. Les agriculteurs pilotent cette densité en ajustant l'espacement, en ajoutant des plantes de couverture et en effectuant des tailles régulières pour stimuler la repousse. En fait, pour résumer, les trois piliers sont la stratification, la succession dans le temps ainsi que la densité. En Saint-Tropez, les plantes s'entraident et Grégoire accompagne tous ces mouvements. Il taille, il coupe et récolte. Ses gestes stimulent le système au lieu de le freiner. C'est comme le principe du saut de chat. Après chaque coupe, le système repart plus fort, comme un chat qui recule pour mieux sauter. La vie se relance, la croissance s'accélère, le sol se régénère. Concernant Grégoire, il s'est installé en 2018 et aujourd'hui, la Saint-Tropez représente déjà 20% des revenus de sa ferme. Son système est encore jeune, mais il montre clairement tout son potentiel. Marcher ici avec Grégoire, c'est voir la Saint-Tropez en action. Chaque plante, chaque geste, chaque strate contribue à un écosystème vivant et productif. C'est un monde dynamique, abondant et durable. Et ce système ne fonctionne jamais tout seul. Il s'intègre facilement au maraîchage, à la gestion de l'eau ou encore à l'agriculture biologique. Cela permet aussi de vendre en direct et de créer un vrai lien avec les consommateurs grâce à une production locale et toujours plus variée. Bienvenue dans la Saint-Tropez, un monde où l'agriculture travaille avec la nature. Maintenant, je vais vous parler du niveau d'intensité. Il faut bien imaginer, quand on parle d'un système syntropique, on parle d'un système qui est très intensif, mais autrement. À l'inverse d'un système d'intensité agricole qui vise à maximiser les rendements en utilisant de la forte mécanisation avec des tracteurs ou des intrants avec des engrais et des phytosanitaires, lui, le système syntropique, il cherche une grande diversité et une densité élevée, qui permet une multiproduction sur une même parcelle. Donc comme l'a dit Perrine, on peut avoir des cassis, des mûres, des pommes, des prunes, tout ça sur une même parcelle. Ou des plantes aromatiques. On peut. Ou même un futur élevage de poules. Et pourquoi pas. On parle ici donc d'une performance globale du système et pas d'un rendement par culture. Ici, l'intensification, elle se fait par une diversité et une densité extrême. On a des parcelles en Saint-Tropez qui peuvent aller jusqu'à 30 à 40 espèces par parcelle. Cette densité, elle augmente la résilience, la stabilité et la productivité totale. Alors qu'en est-il maintenant du niveau de production? On va le voir tout de suite avec un petit extrait de Grégoire. Eh bien, en termes de performance, on va dire, agronomique du système, on est quand même sur des systèmes qui sont très performants. Pourquoi ? On va peut-être produire 70-80% de rendement par culture, c'est-à-dire que par rapport à du conventionnel, intensif, où tout est poussé au cul en intrants, eh bien, on va peut-être être à 70% du rendement. En revanche, moi, sur la même parcelle, je vais produire du cassis, des mûres, des prunes, des pommes, demain, des poules fondeuses qui vont passer au milieu. Donc en fait, on a une espèce de multifonctionnalité, une espèce de multiproduction du système qui fait que à la fin de l'année, en fait, c'est beaucoup plus productif qu'un système en monoculture, en bio ou non d'ailleurs, parce qu'on a cette diversité de production qui fait qu'on a une meilleure résilience déjà, parce que si on se foire sur une culture, on en a une autre. et en même temps, voilà, cette diversité de production sur une petite parcelle. Après, il y a, faut pas oublier que c'est aussi, c'est pas parce que c'est la Saint-Tropique, c'est magique tout d'un coup. Il y a en arboriculture, faut savoir tailler, faut savoir choisir son couple porte-greffe variété, faut gérer l'irrigation. Donc voilà, il y a tout ça qui joue aussi quand même. Hein. C'est pour ça qu'on essaie de vraiment de rencontrer des agriculteurs, agricultrices avec qui travailler, qui font par exemple de l'arboriculture depuis 30 ans, pas en Saint-Tropique, parce qu'on a plein de choses à apprendre d'eux. Et c'est comme ça aussi qu'on va faire des systèmes de plus en plus performants, de plus en plus productifs, quoi. Vous êtes toujours sur AgroJ'écoute. Vous venez d'entendre Grégoire Sevran parler de la production de son système Saint-Tropique. Tiens, Yvan, tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que nous venons d'entendre ? Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une des composantes essentielles de la Saint-Tropique. C'est ce qu'on appelle la perturbation, et on va en parler tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Simon Desliens, un acteur engagé dans la Saint-Tropie. Simon a fondé Yelinov et il fait également de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que la perturbation, pardon. La perturbation, c'est en gros la taille sur une parcelle Saint-Tropique. Elle permet de réguler la stratification, de garder donc les plantes à leur bonne strate. Elle permet de réamorcer le processus de l'abondance, donc on va voir plus tard. Et c'est comme un petit coup de pouce un peu brutal, mais qui est certes essentiel pour relancer le dynamisme du vivant. Simon, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce que la perturbation et quelle est la grande différence avec la taille sur un verger classique ? Bonjour à tous et à toutes déjà. La perturbation, déjà, il faut essayer de remettre dans le contexte d'où ça vient, enfin d'où c'est inspiré. Donc la Saint-Tropie ou les jardins-forêts s'inspirent des milieux naturels. Et donc dans les milieux naturels, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la perturbation de base, que ce soit avec les tempêtes, les feux de forêt, les animaux aussi qui viennent perturber, notamment un animal qui est le pro de la perturbation. Que je ne sais pas si vous avez la réponse. Le sanglier peut-être. Le sanglier, ouais. Et il y a le castor. Le castor, c'est un pro de la perturbation parce que lui, il vient grignoter les arbres, etc. Mais ce que je veux dire, c'est quand il y a de la perturbation, du coup, ça augmente la production d'une forêt. S'il n'y a pas de perturbation, bah, la forêt va être assez stable. Et moins productive. Et donc, du coup, c'est comme ça que la Saint-Tropie ou les jardins-forêts s'inspirent de ce système-là. Et donc, pour remplacer ces animaux ou ces tempêtes, etc., ben, on vient tailler et remettre toute cette matière au sol pour créer du sol, en fait, tout simplement. Oui, bah pour revenir ça aux aléas climatiques, un des exemples que donne Erzgotch, c'est lorsqu'il travaillait au Costa Rica sur les plantations de cacao. Une année, il a eu une tempête extrême qui a détruit toute sa production, qui a ravagé des arbres, des branches, et ça lui a permis, sur l'année d'après et celle encore d'après, d'avoir une production qui a explosé. Ça, il explique avec une biomasse qui a été remise au sol, plus de lumière qui est sur les branches, donc plus de croissance. Est-ce que aussi, toi, tu remarques cette explosion de productivité quand il y a de la perturbation, après la perturbation qu'on peut faire sur des systèmes en Saint-Tropie ? Ouais, on voit carrément la différence par rapport à l'humidité aussi. Parce que quand on remet toute cette matière au sol, du coup, ça va couvrir le sol, donc ça va faire un paillage un peu naturel. Et du coup, le sol va être conservé, ça va créer plus d'humidité au niveau du sol. Et du coup, bah, toutes les plantes en bénéficient directement, quoi. Donc, comparé à un sol nu, par exemple, bah, du coup, on voit une grosse différence, ouais, par rapport à l'arrosage notamment. Donc oui, donc la perturbation fait partie du cycle naturel, mais elle est optimisée par l'homme. Elle ne détruit pas du tout la vie, au contraire, elle la réinitialise, elle la stimule. Elle réveille les écosystèmes, on peut dire, donc il y a plus de lumière qui arrive, qui est la seule plus-value de la Terre, donc c'est la photosynthèse. Donc il y a plus de photosynthèse, plus de biomasse, plus de feuilles. Est-ce que tu pourrais commenter la phrase suivante qui est « Avoir trop de biomasse, c'est un problème de riche ». Avoir trop de biomasse, c'est un problème de riche. Oui, c'est sûr, en tout cas pour revenir au côté lumière, c'est vrai que si une forêt de base, elle se referme, et du coup, on ne peut pas cultiver non plus dessous, etc. Donc, la Saint-Tropie et tout, ce n'est pas une forêt. C'est un milieu qui doit rester ouvert avec de la lumière et tout. D'où le fait de couper et de tailler pour faire rentrer cette lumière qui est super importante pour les fruits, pour avoir des fruits et tout. Et du coup oui, c'est une abondance en fait de matière qui est remise au sol, mais qui se décompose très, très vite, quoi. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la perturbation ? Donc, on peut retenir que c'est un système qui est fortement interventionniste. Donc ça imite les aléas naturels, mais c'est très optimisé par l'homme, dans le but de produire plus de biomasse et plus de production alimentaire pour la vente pour l'agriculteur. La taille, elle déclenche donc un déséquilibre hormonal chez les plantes, avec des interactions différentes avec leur symbiose mycorhizienne, qui stimule la pousse et celle du voisin qui n'a pas été touché. Ça, on le voit empiriquement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Du fait de, quand on taille, en fait, la réaction des plantes par rapport au fait de tailler. Exactement. Oui, je sais qu'après, il y a des hormones, etc., qui rentrent en jeu quand on taille une plante. En fait, ça va dégager des substances. En fait, quand on taille une plante, si on suit la logique, la plante va se dire « Mince, il faut que je survive, donc il faut que je crée du bois, de la pousse. » Donc, naturellement, elle va avoir tendance à pousser plus. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaie de reproduire quand on fait de la taille. Donc, le but, c'est pas du tout d'éviter la perturbation, mais bien de savoir l'utiliser, l'optimiser. Ça change complètement la manière dont on imagine la fertilité d'un sol ou la gestion des cultures, ou même la résilience face au changement climatique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu plus aux avantages que peut avoir un système syntropique, comme la résistance aux maladies ou leur défense aux maladies. On voit aussi que quand on taille des plantes, il y a une production accrue de tanins, donc de toxines aussi pour les ravageurs. On sait aussi qu'avec une très grande diversité d'espèces et de familles végétales, les ravageurs et les maladies, elles sont beaucoup moins spécialisées et compétitives. Est-ce que tu vois aussi ça dans les systèmes syntropiques, comment elles répondent mieux aux problèmes de ravageurs et de maladies? Oui, alors il y a aussi le fait que, pour revenir à la taille, quand on met de la matière au sol, du coup on n'a pas besoin d'amener, parce qu'habituellement si on veut que ça pousse, il faut amener du compost, etc. Donc le fait de tailler aussi, ça permet de ne pas avoir d'intrants à amener. Donc tout est déjà sur place, on a à tailler, à remettre au sol, on n'a pas besoin de d'engrais. Et ta question, pardon, c'était par rapport à... La compétition entre les ravageurs et la résistance du système face aux ravageurs, parce que souvent, les systèmes syntropiques sont en bio, donc comment répondre à ces problématiques? En fait, c'est la diversité. Effectivement, les mycorhizes qui vont aider à tenir le système et à s'entraider, à créer des connexions. Et donc c'est toute cette biodiversité aussi qui fait que ça crée un écosystème en fait qui est plus résilient, des microclimats, plus d'ombre pour certaines plantes, etc. Et tout ça, ça crée en fait une connexion entre toutes les plantes. En fait, les plantes sont connectées, se connectent, et du coup elles sont plus fortes ensemble en fait par la diversité, quoi. Au niveau des enjeux des sols, sur la parcelle de Grégoire, des sols initialement très dégradés, c'est-à-dire 1,3% de matière organique, ont doublé en 4 ans pour atteindre 3%. Cette hausse est liée à une production accrue de biomasse qui permet au système de développer une véritable autofertilité. Est-ce que vous aussi, vous l'observez souvent sur les systèmes que vous mettez en place ? Qu'il y a plus de fertilité au niveau du sol ? Oui. Et là, il faudrait faire des analyses et tout. Mais visuellement, en fait, on le voit au niveau de la pousse des plantes. Après, il faudrait faire des analyses plus approfondies pour voir la matière organique, etc. Mais visuellement, ça se voit, quoi, en fait. Et aussi, on sait que la syntropie permet de produire beaucoup de biomasse. Est-ce que vous auriez un ordre d'idée de ce que ça peut représenter en tonnes, par exemple ? Et est-ce qu'on peut le comparer à un système plus conventionnel ? Non, là, j'ai pas fait d'études très poussées sur la quantité. Mais c'est vrai qu'il en faut, et qu'il en faut beaucoup. Hein. Il faut des paillages de 10-20 cm. Soit après on peut les broyer pour accélérer le processus de décomposition, ou alors on peut les laisser carrément les branchages au pied des plantes pour avoir une décomposition du coup plus lente et que ça va nourrir le sol sur plus longtemps, quoi. Merci pour cette réponse bien agronomique. Alors on sait que la syntropie a beaucoup d'avantages, comme on l'a vu, une meilleure résistance face aux maladies, un sol avec un peu plus de matière organique, plus de biomasse sur les systèmes, mais il y a quand même des limites qui ressortent, parce que planter très dense implique beaucoup de matériel végétal et des compétences beaucoup plus techniques, ce qui peut être un frein pour certains et pour certaines. Selon toi, quel levier ou innovation pourrait permettre de rendre ces systèmes plus accessibles malgré le coût en plants et la nécessité de maîtriser des techniques comme la bouture, le semis ou la greffe? Oui, tu as tout dit. Déjà, il faut savoir effectivement multiplier les plantes pour pas que ça coûte trop cher, parce que du coup, comme il faut énormément de densité, il faut beaucoup de plantes. Donc déjà, on peut faire beaucoup de semis, beaucoup de boutures, etc. pour diminuer les coûts. Et après, les limites, ça va être aussi... en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de projets, même s'il y en a beaucoup, hein, mais il faut des retours d'expérience en climat tempéré. Il n'y en a pas encore énormément. Donc voilà, et puis il faut former aussi les gens, c'est tout un apprentissage à avoir, c'est pour ça que j'ai monté l'école Jardin Forêt aussi, c'est pour donner un maximum de, de connaissances. Et ensuite, effectivement, c'est très technique. Donc, il faut une approche technique pour le côté syntropique, où on va être vraiment sur de l'agriculture avec des itinéraires techniques bien précis. Et le jardin-forêt se différencie un peu là-dessus, où ça va être un peu plus chill, entre guillemets, où c'est souvent déjà plus naturel, dans le sens où c'est moins des lignes, c'est plus destiné au jardin. Et la syntropie plus à l'agriculture, comme ça permet aussi d'avoir une petite différence entre les deux, même si les deux pratiques partagent la même vision de régénérer le sol et d'avoir de la biodiversité, etc. Ok. Je me suis un peu perdu, mais... Non, mais très, très bien, super. On a aussi vu que la perturbation donc, était une composante essentielle de la syntropie. Grégoire évoquait la peur de mal tailler ou de ne pas assez tailler chez les professionnels formés, alors que c'est une nécessité pour maintenir ce système. Mmh. À ton avis, comment peut-on accompagner les agriculteurs et les arboriculteurs pour dépasser cette appréhension et aborder la taille avec plus de confiance ? Effectivement, toujours essayer d'observer les phénomènes naturels. Du coup, on se dit que c'est naturel, en fait, dans les milieux sauvages, la perturbation. Accompagner à former à la taille, effectivement, hein, c'est super important. Et il ne faut pas avoir peur, effectivement, de tailler. La résilience du système et des plantes, des végétaux est très forte. Des fois, l'arbre, on le croit mort et l'année suivante, il repart. Donc faut vraiment avoir confiance en fait en la nature et pas avoir peur de tailler et pas avoir peur de planter aussi très, très densément, très serré. C'est en fait contre-intuitif avec ce qu'on nous apprend, ce que j'ai pu apprendre en tant que jardinier paysagiste au début. C'est contre-intuitif, mais en fait il faut faire confiance en la nature, observer, tailler et surtout observer et avoir confiance, quoi. On a vu aussi que les systèmes syntropiques sont très denses du coup et qui ne sont pas forcément adaptés au machinisme agricole actuel. Comment tu imagines l'évolution des outils, des machines, pour répondre aux besoins de ces nouveaux modèles un peu alternatifs, comme la syntropie ? Et aussi, comment gérer en attendant le coût de la main-d'œuvre, qui est très important en syntropie, et qui impacte la productivité et la rentabilité du coût du système ? Effectivement, ouais, c'est un système très jeune, donc il n'y a pas les machines adaptées, etc. Donc il y a tout à créer, en fait. C'est ça qui me plaît aussi dans ce système-là, c'est qu'en fait, c'est assez innovant, même si c'est des pratiques très anciennes. Et du coup, il y a un peu tout à inventer. Donc là, ça demande aux gens qui fabriquent des machines. Il y a l'atelier paysan, je pense à ça, qui crée des machines un peu pour les agriculteurs, etc. Donc c'est, voilà, il y a tout à faire, quoi. Il y a vraiment tout à faire. On a vu aussi ce qu'était le climax, donc le niveau le plus mature du système. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur au bout de combien de temps on peut atteindre le climax dans un système syntropique et combien de temps il peut être maintenu sur le temps ? Ouais, alors une date précise, ça va être compliqué parce que ça va dépendre du climat, de la nature du sol. Voilà, si c'est très sec et tout, ça va pousser très lentement. S'il y a beaucoup d'eau sur le terrain, etc., ça va pousser beaucoup plus vite. Mais je sais pas, un jardin-forêt, si on parle sur le jardin-forêt, au bout de 7 ans déjà, les jardins-forêts que j'ai pu aller voir, au bout de 7 ans déjà, on commence à avoir une forêt avec des arbres, les différentes strates, avoir des fruits, etc. Donc voilà, c'est un chiffre comme ça, mais ça va dépendre du projet. Il y en a, il y a 12 ans, 12, 7 ans, ça dépend quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la syntropie et à ses principes. Nous espérons que cette conversation vous a permis de mieux comprendre comment ces approches peuvent transformer nos systèmes agricoles en s'inspirant de la dynamique du vivant. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à laisser un petit commentaire ou à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Un grand merci à Grégoire Sevran de nous avoir accordé une interview sur sa ferme d'Emawaji, à notre invité Simon Deslien pour ses réponses claires et enrichissantes. Nous remercions aussi Manon Aubin pour son aide à la préparation du podcast, ainsi que l'école d'ingénieurs de Purpan qui nous a permis de vivre cette expérience. On remercie également grandement Campus FM, la commune et la région Occitanie d'avoir soutenu ce podcast et cet épisode. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer l'ensemble des pratiques agricoles innovantes et toujours plus inspirantes. D'ici là, prenez soin de vous et du vivant. Merci.